الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم ما بعد أيها الإخوة الكرام أحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء وأسأله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير ويمن وبركة وأن يزيدنا إيمانا وتوفيقا كما أخبرتم وكما أعلن لكم عنوان هذه المحاضرة سمات المرأة الصالحة سمات المرأة الصالحة فبإذن الله تبارك وتعالى سنذكر بعض صفات المرأة الصالحة حتى يستفيد الجميع يستفيد الإخوة والأخوات فأسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمة نافعة لصاحبها ولمستمعيها. Donc, inshallah, comme vous avez été informé, le titre de ce cours, de cette conférence est Les caractéristiques de la femme pieuse. Et donc, nous allons essayer, dans le temps qui nous est imparti, de citer quelques caractéristiques de la femme pieuse. Et ce cours est utile et bénéfique, inshallah, tabaraka wa ta'ala, pour les sœurs comme pour les frères. Donc pour les sœurs, afin qu'elles essayent de se situer par rapport aux caractéristiques que nous allons citer, et par rapport aux frères également, afin qu'ils sachent si leurs proches, leur mère, leur sœur, leur tante également, sont sur le droit chemin. Également les frères qui voudraient, dans un futur proche, envisager de se marier, afin également qu'ils sachent sur quels critères se baser pour choisir leur épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, comme dans le hadith rapporté par Abu Huraira dans les deux recueils authentiques Al-Bukhari wa Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Tunkahu al-mar'atu li arba' li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. ثم قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la femme, elle est épousée pour quatre caractéristiques: pour ses richesses, pour sa beauté, pour sa lignée ou pour sa piété, c'est-à-dire son aspect religieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite ensuite de nous focaliser sur l'aspect religieux, et il dit فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَكَ, c'est-à-dire choisis la femme qui est pieuse, puisse tes mains se coller à la terre, c'est-à-dire félicitations si tu réussis à avoir une femme pieuse. Donc nous allons citer quelques caractéristiques, pas toutes les caractéristiques car le temps ne le permet pas. La première des caractéristiques de la femme vertueuse, de la femme pieuse, de la femme musulmane, de la femme croyante, c'est at-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, fi surat az-zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les démons et les hommes qu'afin qu'ils ne m'adorent. Et tous les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, leur message et leur appel étaient le même. Ils appelaient tous leur peuple à unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Allah il dit: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut." Nous avons envoyé dans chaque communauté un prophète afin qu'il ordonne à son peuple d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et d'éviter l'adoration du démon. Et le tawhid, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Donc il est rapporté dans les deux recueils as-sahih, أن معاذ ابن جبل رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير, هذا اسمه الحمار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ, أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. Donc Mu'adh ibn Jabal رضي الله عنه, il était assis derrière le prophète صلى الله عليه وسلم sur un âne. Donc le prophète était devant, Mu'adh était derrière lui. Ensuite le prophète, il lui a dit: ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah envers ses serviteurs et le droit de ses serviteurs envers Allah? Mu'adh lui a dit: Allah et son messager savent mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit: le droit d'Allah envers ses serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer, et le droit des serviteurs envers Allah qu'il ne les châtie pas, ou bien qu'il ne châtie pas ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et l'inverse de l'unicité, c'est ce qu'on appelle shirk, et c'est le pire des péchés car il annule toutes les œuvres. Donc c'est la pire des choses qui puissent menacer notre prière, notre jeûne, notre zakat, notre pèlerinage. Car si l'association vient se mélanger à nos œuvres, elle les rend nulles. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَيَقُولُ مُخَاطِبًا نَبِيَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Allah dit dans le Coran: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons alors amené toutes leurs œuvres, c'est-à-dire les associateurs, et nous les avons rendus tels de la poussière éparpillée. Et Allah dit même, en parlant à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: si tu associes à Allah quelque chose, tes œuvres deviendront vaines et tu seras dans l'au-delà parmi les perdants. Au contraire, adore Allah et fais partie des gens reconnaissants. Donc on ne va pas parler plus de ce sujet car il y a entre le Maghrib et l'Isha une conférence de Cheikh Hatim Hafidhahullah qui a pour titre la place du Tawhid dans la vie du musulman. Donc il parlera de ça plus en détail. La deuxième caractéristique de la femme vertueuse, et également certaines caractéristiques que nous citons qui sont également valables pour les hommes, le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque la personne s'attache à sa religion, s'attache au Coran, s'attache à la sunna, elle obtiendra donc un secours, la victoire et une récompense ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit comme dans Sahih al-Bukhari: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله, ومن يأبى؟ من لا يريد أن يدخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Le prophète dit que toute ma communauté entrera au paradis sans exception, sauf celui qui refuse. Les compagnons dirent alors: ô messager d'Allah, et qui refuse d'entrer au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: celui qui m'obéit rentrera au paradis, et celui qui me désobéit, il a alors refusé d'y entrer. Et le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une chose obligatoire, c'est-à-dire ce n'est pas une chose seulement que l'on choisit de faire ou de délaisser. Car donc parmi les choses que l'on appelle sunna, il y a des choses obligatoires. Lorsque l'on parle de la sunna, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il y a des choses obligatoires, des choses recommandées, des choses interdites et des choses déconseillées. Allah dit dans le Coran: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفظا. ويقول في آية أخرى: وإن تطيعوا تهتدوا فلا هداية بدون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فمن يرغب ويروم الهداية من الله تبارك وتعالى فلا بد أن يكون متبعا لسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Donc Allah dit dans le Coran, celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait en réalité qu'obéir à Allah. Lorsque la personne elle obéit au prophète, elle obéit en réalité à Allah. Et également il dit, wa in tuti'uhu tahtadu. Si vous obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous serez alors bien guidé. Donc il y a beaucoup de gens qui recherchent la guidée, qui recherchent le droit chemin. Il faut qu'ils sachent qu'il n'y a pas de guidée et ni de droit chemin sans suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivre sa sunna. Et donc il ne faut absolument pas que les musulmans laissent passer le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qu'ils soient laxistes dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens, lorsqu'on leur dit que telle ou telle chose fait partie de la sunna, ils disent c'est seulement sunna. Et donc à la fin, petit à petit, ils se retrouvent avec une religion faible, légère, maigre. Alors que les compagnons, radiyallahu anhum, étaient attachés aux faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les grandes choses de l'islam comme dans les choses moins importantes. Et le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre dans le fait d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Lorsque le musulman dit ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, cela implique des choses. Ça implique le fait, comme l'expliquent certains savants, ils disent ta'atuhu fi ma amar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'bada Allah illa bima shara', c'est-à-dire le fait d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses ordres et le fait de délaisser ses interdictions, et également le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être adoré que par ce qu'a légiféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a toute chose qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut absolument que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait fait. On ne peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala que par la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira. ويحذرنا من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم فيقول في آخر سورة النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Donc Allah il dit, en nous incitant à suivre le prophète صلى الله عليه وسلم, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Il y a certes dans le prophète un bon exemple à suivre pour quiconque désire Allah le jour dernier et invoque Allah subhanahu wa ta'ala constamment. Et il nous met également en garde contre le fait d'aller à l'encontre de ses ordres. Il nous dit que fasse attention, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, que fasse attention ceux qui vont à l'encontre de ses ordres, qu'ils ne soient éprouvés par une épreuve, une fitna, ou bien que leur arrive ou vienne à eux un châtiment douloureux. رحم الله الإمام مالك رحمه الله عندما قال السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق, ذكر ذلك الهروي في كتابه ذم الكلام وأهله. الإمام مالك رحمه الله السلام إمام Imam Dar al-Hijra, il nous dit, pour nous inciter à être attachés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est semblable à l'arche de Noé. Celui qui y monte, il sera secouru. Et celui qui arrive en retard, ou bien celui qui ne monte pas à bord, il se noiera. Et donc combien à notre époque sont nombreux les gens qui se sont noyés dans les innovations, qui se sont noyés dans les choses qui vont à l'encontre des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens donc sont noyés et nagent dans l'innovation. Et l'innovation est une chose très grave. La personne fait beaucoup d'efforts ici-bas, elle essaie de se rapprocher d'Allah par des choses non légiférées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et yawm al-qiyama, elle viendra et elle verra ses œuvres rejetées à son visage. Et si on regarde le présent ou bien la situation des musulmans à notre époque, nous trouvons que les innovations sont rentrées dans chaque chapitre de l'adoration. Il y a des gens qui innovent dans les ablutions, il y a des gens qui innovent dans le tayammum, des gens qui innovent dans la prière, des gens qui innovent dans la zakat, dans le jeûne, dans le pèlerinage. Et toutes ces choses-là ne seront pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Muttafaqun alayh, wa fi riwayatin fi Muslim: Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: celui qui innove dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, cet acte sera rejeté. Et dans une autre version, il nous dit: celui qui commet ou bien qui fait un acte, qui fait une œuvre sur laquelle il n'y a pas nos enseignements, cet acte sera rejeté. Donc que soit la personne innovatrice, c'est-à-dire d'elle-même elle a décidé d'innover, ou bien qu'elle suit les autres qui ont innové, dans les deux cas l'œuvre ne sera pas acceptée. Donc la personne aura peut-être fait beaucoup d'efforts ici-bas, mais cela ne suffira pas au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ses œuvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent à ses compagnons: wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent à ses compagnons au début de ses discours: faites attention aux choses nouvelles, car toutes les choses nouvelles, c'est-à-dire sur lesquelles il n'y a pas nos enseignements, sont des innovations. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم, يعني كفاكم ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود également il nous dit: suivez et n'innovez pas, suivez la sunna et n'innovez pas, ce que vous possédez vous est suffisant. وكان يقول رضي الله عنه: المقتصد في السنة أو الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع. Le fait de faire très peu d'œuvres mais qui sont en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est mieux que faire beaucoup d'œuvres qui font partie de l'innovation. فعلى المسلم أن يحذر وكذلك المسلمة من البدع لأن القلوب مَيَّلَةٌ لِلْبَاطِلِ. Donc il faut absolument que le musulman et la musulmane fassent attention à cela, car le cœur de sa nature a toujours un penchant vers le faux. Allah dit dans le Coran: وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. Allah dit dans sourate An-Naml: le shaytan, le diable, leur a embelli leurs œuvres. Pourquoi les gens qui font de l'innovation ont du mal à revenir? Car le shaytan, il leur embellit leur œuvre et il leur ferme les portes de la sunna, et à cause de cela, ils ne sont pas guidés. Parmi les caractéristiques également de la femme pieuse, de la femme croyante, al-haya'u wal-hishma. Al-haya'u wal-hishma. C'est-à-dire la pudeur. Al-haya, c'est-à-dire la pudeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a incité tous les croyants, les hommes comme les femmes, à être pudiques. Il nous a informé également que cela faisait partie des ramifications de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم. C'est-à-dire, la foi est composée de 60 et quelques ramifications. La plus haute de ces ramifications est le fait de dire la ilaha illallah, et la plus basse de ces ramifications est le fait d'écarter un obstacle du chemin. Et il nous dit ensuite wal haya'u shu'batun min al-iman. La pudeur est une ramification de la foi. Wa nabi sallam ra'a aw marra bi rajulin min al-ansar ya'idhu akhahu fi al-haya'. رجل كان حييا فكان صاحبه يعظه ويأمره بترك الحياء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يعني اتركه فإن الحياء من الإيمان. Le prophète صلى الله عليه وسلم un jour il est passé à côté d'un homme qui recommandait à un autre d'abandonner la pudeur. Un des deux hommes était pudique et un ami à lui l'incitait à délaisser la pudeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit laisse-le, car la pudeur fait partie de la foi. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit al-haya'u kulluhu khayr. La pudeur tout entière n'est que du bien. Il n'y a aucun point négatif dans la pudeur, contrairement à ce que pensent certains. La pudeur entièrement n'est que du bien. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Qasas, il nous a cité l'histoire de Moussa alayhi salam lorsqu'il est sorti de lorsqu'il s'est dirigé plutôt vers Madian, et lorsqu'il a rencontré, donc il a vu deux femmes qui se tenaient à l'écart des hommes qui étaient en train de puiser de l'eau, et il leur a dit ma khatabukuma, quelle est votre affaire, pourquoi attendez-vous ici? C'est-à-dire, nous ne pouvons puiser de l'eau qu'après que les hommes aient fini de puiser. Donc Moussa alayhi salam a alors puisé l'eau pour ces deux femmes, car donc ces femmes se rendaient au puits pour prendre de l'eau, car leur père était une personne âgée. Ensuite, les deux femmes s'en sont allées avec l'eau qu'avait puisé Moussa, puis une d'entre elles est revenue vers Moussa. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a vanté les mérites de cette femme en disant فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. Une d'entre elles donc est revenue à Moussa en avançant avec pudeur. تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء. Elle a ensuite dit à Moussa alayhi salam, mon père t'invite afin de te récompenser de ce que tu as fait pour nous, le fait de puiser de l'eau. Vous remarquerez que cette femme a été brève dans ce qu'elle a dit à Moussa. Elle n'a pas fait des longues phrases, elle a seulement dit l'essentiel, car donc Moussa est un homme étranger à elle, donc ainsi doit être la femme pudique. Lorsqu'elle parle à un homme étranger à elle, autre que ce qu'on appelle le maharim, qu'elle soit brève dans les paroles, qu'elle soit brève dans les paroles, que ce soit au téléphone, que ce soit lorsqu'elle fait ses courses, etc. Lorsqu'elle côtoie des hommes étrangers, il faut qu'elle soit brève dans les paroles. Elle lui a dit Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqayta lana. Et vous remarquerez que elle a dit que c'était son père qui invitait Moussa. Elle ne s'est pas attribué l'invitation, alors que Moussa, c'est à elle qu'il a rendu service, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté entre Moussa et cette femme. Également, les gens du Tafsir, ils citent que ensuite Moussa, alayhi salam, donc il a fallu qu'il se rende chez cet homme sans qu'il connaisse le chemin. Cette femme s'est mise derrière Moussa, alayhi salam. Moussa avançait et elle le dirigeait avec des petites pierres. Lorsqu'il fallait qu'il tourne à droite, elle jetait une pierre vers la droite. Lorsqu'il fallait qu'il tourne à gauche, elle jetait une pierre vers la gauche. Bref, elle ne voulait pas donc être devant Moussa et qu'il la suive, et que peut-être il y aurait pu avoir un regard interdit. Donc ce qui prouve la pudeur de cette femme. Dans d'autres versions, c'est Moussa alayhi salam qui lui a demandé de passer derrière lui. En ce qui concerne également la parole, le fait d'être pudique, la femme doit être pudique même dans la parole lorsqu'elle s'adresse à un homme étranger. Allah il dit dans sourate Al-Ahzab, en parlant aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les femmes les plus pures que la terre ait portée. Allah il dit فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Allah il dit لَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, c'est-à-dire lorsque vous parlez donc à des hommes étrangers, ne parlez pas avec des paroles embellies, avec une voix suave comme le font certaines femmes, car la cause à cela, Allah il dit فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, afin que justement l'homme qui est malade ou qui a une maladie dans son cœur n'ait pas des envies ou des vues sur vous. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, mais malgré cela dites de bonnes paroles. Donc Allah dit cela aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les femmes autres que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont visées à plus forte raison. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت كثيرة الحياء, تقول متحدثة عن نفسها بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم, تقول كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثوبي, يعني تتجرد عن ثيابها, وأقول إنما هو زوجي وأبي, فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة على الثياب حياء من عمر, رواه أحمد. عائشة رضي الله عنها donc la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mère des croyants, elle nous montre dans un hadith sa grande pudeur. Elle nous dit, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit décédé et son père, elle nous dit, je rentrais donc dans ma demeure dans laquelle a été enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et mon père, c'est-à-dire Abu Bakr, et elle se déshabillait. Donc dans ça, comme le fait tout le monde chez soi. En disant, c'est mon père et mon mari qui sont enterrés dans cette maison. Lorsque Omar radiallahu anhu fut enterré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à côté de Abu Bakr, elle nous dit, je ne suis jamais rentré chez moi sans avoir des vêtements sur moi. Elle était pudique même de Omar radiallahu anhu alors qu'il était décédé. Donc que penser alors de la pudeur de cette femme face aux hommes lors de leur vivant. يقول أحد الشعراء فوالله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء, c'est-à-dire والله il n'y a pas de bien dans la vie ici-bas lorsque la pudeur s'en va et que l'homme ou bien l'individu ne cesse de vivre dans une bonne condition tant qu'il est pudique. C'est-à-dire que lorsque vous avez un arbre, le tronc reste tant que les feuilles sont présentes. Donc la personne, il faut qu'elle s'habille du vêtement de la pudeur afin que donc, son corps reste dans de bonnes conditions. ومما يدخل في الحياء المحافظة على الحجاب, également ce qui fait partie de la pudeur, le fait d'être attaché au hijab. Allah dit dans le Coran: Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa qala Allahu 'azza wa jalla: Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna ila an qala: Wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنْ عَلَى جُيُوبِهِنْ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il parle en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô prophète, قُلْ لِأَزْوَاجِكَ, dis à tes épouses et à tes filles et aux femmes des croyants: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنْ, qu'elles rabaissent sur leur tête de leur jilbab. ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَا, donc cela est plus proche qu'elle soit reconnue et qu'elle ne soit pas ennuyée. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux, donc ce qui a pu arriver avant. Et Allah dit également dans surat Nour, en s'adressant aux femmes: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, dit aux femmes qu'elles baissent leur regard, après avoir ordonné cela aux hommes, et dit aux femmes qu'elles baissent leur regard et qu'elles préservent leur chasteté. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, et qu'elles ne montrent de leur beauté que ce qui est, ou bien ce qui apparaît. Ensuite il dit: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, et également qu'elles rabaissent de leur grand voile sur leur cou, donc, ce qui fait que la tête devient couverte. Al-hijab, c'est une adoration parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Ce n'est pas une habitude, une coutume comme le prétendent certains. Donc la femme est récompensée d'une grande récompense lorsqu'elle porte le hijab, et elle n'a fait que obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut surtout pas que la femme délaisse le hijab pour obtenir un bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il y a des femmes qui, lorsqu'elles nous disent: je suis convaincue que le hijab est une obligation. Donc les preuves sont claires dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais elle dit: si je porte le hijab maintenant, je ne pourrai pas me marier, car donc les gens ne m'auront pas vu. Donc ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être acquis par les péchés. La yunalu ma'indallah bi al-ma'asi. Donc la femme, il faut qu'elle observe. À partir du moment où la personne est convaincue que c'est les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle est convaincue, il ne faut surtout pas qu'elle dise: à une époque, les femmes pouvaient se marier avec le hijab, car tout le monde portait le hijab, et qu'à notre époque, justement, si la femme porte le hijab, elle ne pourra pas donc être remarquée par les hommes. Non. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala fera que les hommes seront attirés par elle lorsqu'ils la verront attachée à sa religion et pleine de pudeur. Et il ne faut surtout pas que la femme musulmane suive les gens qui l'appellent à autre que sa religion. Car nous vivons à une époque où les gens prétendent que l'islam n'est pas compatible avec ce qui est demandé de la femme, avec la modernité, avec le 21e siècle, etc., etc., de tout ce que nous pouvons entendre. L'islam salihun li kulli makanin wa zaman. L'islam est applicable et est une bonne chose pour tous les hommes, à n'importe quel endroit et à n'importe quelle époque. Allah il dit: Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah ne sait-il pas mieux, ne connaît-il pas mieux ce qu'il a créé? Allah, c'est lui qui nous a créé, c'est lui qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Donc si la personne, elle peut lire des versets, lire des hadiths, et à première vue la personne a dit si j'applique cela, cela va me causer du tort. Non. Allah subhanahu wa ta'ala sache que c'est lui qui t'a imposé cela, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne parle que par révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute chose présente dans les textes du Coran ou de la Sunna sont un bien pour l'homme et la femme, et il ne faut surtout pas que la personne donc désire désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir un bien de sa part. Le mariage est un bien d'Allah. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah, il a créé, parmi ces signes, il a créé pour vous des femmes afin que vous obteniez la tranquillité auprès d'elles, et il a mis entre vous de l'amour et de la clémence. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui met ces choses-là dans le mariage. Donc si la personne elle a demandé le mariage par une chose interdite dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut qu'il ne mette pas ce que vous recherchez dans votre mariage. Combien de mariages se passent très très mal? Et lorsqu'on se renseigne sur le début de ce mariage ou bien ce qu'il y avait avant le mariage, on s'aperçoit qu'il y avait des choses qui étaient contraires à la religion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a mis aucune baraka dans ce mariage à cause des désobéissances qui ont eu lieu avant le mariage. Et admettons même que la femme toute sa vie ma tayassara laha az-zawaj, elle n'a pas pu se marier. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dira udkhuli nar jahannam? Est-ce qu'Allah lui dira rentre en enfer parce que tu t'es pas marié? Non. Contrairement à si elle a abandonné donc la pudeur et abandonné le hijab. Donc il faut absolument que la femme musulmane s'attache à sa religion et ne prête pas attention à tous ceux qui à tous les gens qui l'appellent donc à sortir du rôle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, à aller se mélanger avec les hommes, à s'embellir, à délaisser le hijab, à voyager seul, à travailler, à faire toutes les choses qui l'obligeraient à être désobéissante. La personne n'a qu'à patienter pendant cette vie ici-bas combien d'années? Admettons la personne elle atteint la puberté à 15 ans, elle meurt à 75 ans, une soixantaine d'années la personne elle patiente dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir des délices éternelles. Donc cette vie ici-bas nous paraîtra que éphémère, que d'une très courte durée. Allah il dit subhanahu wa ta'ala ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Yawm al-qiyamah, les gens ils auront l'impression d'avoir passé ici-bas qu'une après-midi ou bien une matinée. Donc la personne, il faut qu'elle patiente ici-bas afin d'obtenir ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika, également parmi les caractéristiques de la femme croyante et pieuse, talabu al-ilmi shar'i, le fait de demander la science religieuse. Les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour sont venues se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant ya rasulallah ghalabana alayka ar-rijal wa talabna minhu an yukhassis lahunna yawman يدرسهن صلى الله عليه وسلم فقبل ذلك صلى الله عليه وسلم فكان يأتيهن ويعظهن. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. Donc les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour sont venues se plaindre à lui en lui disant ô messager d'Allah, les hommes ont pris le dessus sur nous à ton sujet. C'est-à-dire que les hommes, ils te prennent tout ton temps et nous ne pouvons profiter de tes rappels, de tes enseignements. Ils ont alors demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il leur consacre un jour dans la semaine pendant lequel il donc enseignerait la religion aux femmes et leur ferait des exhortations et des recommandations. Et Aïcha radiallahu anha, elle nous dit comme sont vertueuses les femmes parmi les femmes de Al-Ansar, donc les gens qui habitaient à Médine, la pudeur ne les empêchait pas de d'essayer de comprendre leur religion. C'est pour ça que souvent dans les hadiths, vous trouverez que des femmes venaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui posaient même parfois des questions liées à des choses personnelles, des choses liées aux relations entre l'homme et sa femme, des choses liées aux menstrues. Pourquoi ? Parce que il fallait qu'elles surmontent cette pudeur pour une chose plus grande encore, c'est le fait de comprendre sa religion. Ce qui prouve que donc la femme, il faut absolument qu'elle essaye de comprendre sa religion. Bien sûr, avec les règles liées à l'islam. Allah dit dans le Coran, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Allah dit de dire à son prophète, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي, dis au Mohammed, voici ma voix, أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ, j'appelle à Allah, عَلَى بَصِيرَةٍ, c'est-à-dire mon appel est basé sur la science. Donc la personne ne peut pas appeler à l'islam si elle n'a aucune connaissance des règles de l'islam tirées du Coran et de la Sunna. Ana wa man ittaba'ani, c'est-à-dire moi et ceux qui ont suivi ma voie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également: Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Le fait de rechercher la science est une obligation pour tout musulman. Et la chose qui est vraiment obligatoire à connaître, c'est la chose que côtoie la personne comme adoration. Lorsque tu pries, il faut absolument que tu connaisses les règles de la prière. La majorité des musulmans et des musulmanes à l'heure actuelle prient sans connaître les règles de la prière. Il y a beaucoup de musulmans qui ne savent même pas comment rattraper la prière s'ils arrivent en retard. Il y a beaucoup de musulmans qui ne savent même pas quand est-ce qu'on a le droit de faire tayammum, quand est-ce qu'il faut faire l'irtisel. Donc ça, c'est les choses obligatoires à connaître pour tous les musulmans. Et pour les femmes également, les règles qui sont propres à la gente féminine, qui sont les règles liées aux menstrues, les règles liées aux lochis, les règles liées également à tout sang qui peut sortir d'elle, afin qu'elle sache comment se comporter dans ces cas-là. Et il faut également que son mari l'aide dans sa démarche de comprendre la religion. Il y a des maris, malheureusement, lorsqu'ils ramènent un livre à sa femme, c'est des livres de cuisine. Il faut que le mari, au contraire, il essaye d'enseigner à sa femme, si il a des connaissances suffisantes, ou bien qu'il lui permette d'apprendre la religion en lui apportant des livres utiles, également des audios utiles, des vidéos utiles, afin que donc elle-même puisse apprendre sa religion. Car ces mêmes choses qu'elle apprendra, elle pourra également les enseigner à ses enfants. Et ça fait partie également de التربية الصالحة, de la bonne éducation des enfants. Donc l'homme doit éduquer ses enfants correctement, et également la femme. Alhamdulillah, à notre époque donc, beaucoup de moyens sont présents pour pouvoir apprendre la religion, des moyens qui n'étaient même pas présents avant. Il n'y avait que les livres et les assises. Alhamdulillah, maintenant avec internet, il y a des cassettes, des CD, des vidéos, etc. La personne peut tirer profit de toutes ces choses-là, en plus de la lecture et de la présence dans les assises religieuses. Mais il faut également que donc également l'homme essaye de laisser un peu de temps à sa femme pour la lecture. Par exemple, en prenant les enfants, s'il y a des enfants, à un certain moment de la journée, pendant lequel la femme donc consacrait à la lecture et à la recherche de la science religieuse. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم il nous dit que tout ce qu'il y a sur ce bas monde est maudit. Tout ce qu'il y a sur ce bas monde est maudit, sauf le rappel d'Allah et ce qui suit le rappel d'Allah. وعالم wa muta'allimun, et le savant, la personne savante, wa al-muta'allim, la personne qui apprend sa religion. Également, parmi les caractéristiques de la femme vertueuse et pieuse, الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. Donc le fait d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après avoir acquis des connaissances religieuses, il faut que la femme également, comme l'homme, essaye d'appeler les gens vers le droit chemin. Allah dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa al-Asr, Inna l'insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, wa tawasaw bil-haqqi, wa tawasaw bil-sabr. Allah dit, wa al-Asr, par le temps, l'homme est en perdition, sauf la personne qui a cru, les gens qui ont cru, ont fait les bonnes œuvres, wa tawasaw bil-haqq, se rappellent mutuellement la vérité et se rappellent mutuellement la patience. Donc la personne, après avoir cru, après avoir appris sa religion, elle appelle à Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite elle patiente de tout ce qui peut lui arriver pendant son appel. Allah dit dans le Coran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas yadkhulu fihi ar-rajulu wal mar'a. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah dit dans le Coran, vous êtes la meilleure communauté qui a été sortie pour les gens. C'est-à-dire la communauté, cela englobe l'homme comme la femme. Ta'muruna bil ma'ruf, vous recommandez le convenable et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Et Allah dit également dans un verset juste avant, wa takun minkum ummatun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Il faut qu'il y ait parmi vous donc des gens qui incitent au convenable et incitent et interdisent le blâmable, wa ulaika humul muflihun, et ceux-là seront les victorieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour il dit à Ali ibn Abi Talib lorsqu'il l'a envoyé à Khaybar, فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Par Allah, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide par toi un seul homme, c'est mieux pour toi que humuri an-na'am, donc que des bêtes de grande valeur. Donc il faut que la femme également essaye d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, de conseiller ses enfants, ses proches, ses parents, ses voisines, ses amis, afin que l'islam donc se propage et que la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa lumière également rentre dans le cœur de toutes les croyantes. Et le fait d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala est le chemin des prophètes et des messagers. Donc c'est un rôle très noble. C'est pour cela qu'il faut donc également avoir les mêmes qualités que les prophètes. Parmi cela, la science, la patience, également la sagesse. Donc comme on a dit, la femme donc essaye, suivant ses capacités, d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, ses parents, ses proches, ses sœurs, ses voisines et ses enfants. كذلك من صفات المرأة المسلمة طاعة الزوج فيما يرضي الله تبارك وتعالى. Le fait d'obéir à son mari, pour les femmes qui sont mariées, si donc bien sûr l'homme n'ordonne pas à sa femme de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا أمرها بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Car si le mari ordonne à sa femme de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il n'y a plus d'obéissance. La femme n'a pas à obéir à son mari s'il lui ordonne de délaisser la prière, s'il lui ordonne d'enlever son hijab, s'il lui ordonne de ne pas jeûner le mois de Ramadan, s'il lui ordonne également de ne pas se rendre au pèlerinage, alors que toutes les conditions sont présentes pour elle. Donc, s'il lui ordonne quelconque péché, la femme n'a pas à obéir à son mari. Mais admettons dans les choses de la vie ici-bas, les choses de la vie quotidienne, les divergences qu'il y a entre l'homme et sa femme sur des choses comme la nourriture, comme la décoration de la maison, etc. Toutes les choses sur lesquelles divergent l'homme et la femme, à ce moment-là, la femme, il lui est donc recommandé ou ordonné d'obéir à son mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَصَّنَتْ أَوْ حَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اُدْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ شِئْتِ رواه أحمد. Donc la femme, il lui est demandé certaines choses pour rentrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si la femme prie ses 5 prières quotidiennes, jeûne le mois de Ramadan, également préserve sa chasteté, obéit à son mari, il lui sera dit Yawm al-Qiyama, rentre au paradis par la porte que tu désires. Si elle a réussi à prier ses 5 prières quotidiennes, à jeûner le mois de Ramadan, à se préserver et à obéir à son mari, si elle fait ces 4 choses là Allah subhanahu wa ta'ala lui dira Yawm al-Qiyama, rentre au paradis par la porte que tu désires. وكذلك الكلمة الطيبة, le fait que la femme, en plus d'obéir à son mari, soit lorsqu'elle lui adresse la parole, lorsqu'elle lui parle, qu'elle ne dise que des bonnes paroles. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Allah dit, dites aux gens des bonnes paroles. Le musulman, de manière générale, il lui est ordonné, lorsqu'il s'adresse à des gens, sortent de sa bouche que des bonnes paroles. Et le mari fait partie des personnes les plus proches de la femme, des personnes pour qui elle est le plus redevable. Donc il faut absolument qu'elle dise des bonnes paroles lorsqu'elle s'adresse à son mari. وكذلك التجمل ينبغي للمرأة أن تتجمل لزوجها. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما إني لأتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما il nous dit: je m'embellis pour ma femme comme j'aime qu'elle s'embellisse pour moi. Donc il faut qu'il y ait cette entente, et le fait, cela fait partie de la bonne entente et de la bonne vie commune entre les deux époux, que les deux s'embellissent mutuellement l'un pour l'autre. Et ça rentre dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Il reste un point que donc j'ai oublié de citer par rapport au hijab, parce que nous avons incité à la femme musulmane à porter le hijab. Il y a également des conditions à ce hijab. La première condition à ce hijab, pour qu'il soit un hijab accepté religieusement, أن يكون ساترا لكل البدن, qu'il couvre tout le corps sauf le visage et les mains, donc suivant la divergence qu'il y a entre les savants. أن لا يكون زينة بذاته, أن يكون زينة بذاته, que le vêtement lui-même avec lequel on se couvre ne soit pas une parure lui-même, كذلك أن يكون samikan, qu'il soit épais et qu'il ne soit pas transparent. Parfois il y a des gens qui mettent un hijab mais on peut apercevoir à travers ce vêtement la couleur de la peau ou bien la couleur des cheveux. Il faut également qu'il soit ample, que les formes de la femme n'apparaissent pas. Parfois il y a des vêtements qui couvrent le corps, qui ne sont pas également une parure, qui sont épais mais qui ne sont pas amples et larges, donc on peut voir apparaître les formes de la femme. Également, que ce ne soit pas un vêtement ressemblant aux vêtements des hommes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. Qu'Allah maudisse les femmes, ou qu'Allah maudisse les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes et les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes. وكذلك أن لا يكون لباسا شهرة. Également que ce ne soit pas un vêtement que l'on appelle شهرة, un vêtement de renommée, un vêtement qui fait que la personne serait remarquée. Pour vous donner un exemple, al-hijab, suivant les endroits du monde, les femmes portent différents vêtements. Tant que les conditions sont réunies, la femme peut porter le vêtement de son pays. Admettons, parfois il se passe que la femme, ou bien même l'homme, porte un vêtement étranger à cet environnement. Elle se retrouve célèbre grâce à ce vêtement. Les gens la reconnaissent grâce à ce vêtement. Cela est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce que l'on appelle libas ash-shuhra bi qawlihi man labisa libas ash-shuhratin fi ad-dunya albasahu Allah libas adh-dhulli wa al-khizyi yawm al-qiyamah, ou comme a dit sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit: celui qui porte un vêtement de renommée ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera porter le vêtement de l'avilissement et de la soumission يوم القيامة. وأسأل الله تعالى أن يوفق الإخوة والأخوات لما يحب ويرضى وأن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا كلها. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.